Atterrissage, aéroport, où est les boum et jet? T'es dans le sang, drapeau sur la scène, ça va mettre méchant, en petit démarcé. Comme t'as haché les yeux et devant toi jongler avec, on a réduit l'effectif pour atteindre nos objectifs. Déterminé, on faisait le taf, pendant qu'il faisait la taf. Et maintenant on a plus de bif, on nous pisse à la barre. Au départ, c'était dur, aujourd'hui, c'est débat. J'ai souvent entendu, j'ai le gars, t'es mauvais, heureusement, je l'ai aidé, c'est la meilleure des qualités. J'entends tous qui sont calibrés, j'entends jamais qu'ils ont tiré. C'est tous des lignes aventurés, ils sont jamais aventurés. Faut des pépettes là, bibisettes là, hop là, y'avait ouais, lourd et la d'un coup, vous êtes là, traîne pas trop dans nos pattes. Moi j'ai pas de pote, avec nous, tu prends perpète, on n'a pas de bol, petit frère, prends pas exemple sur ton grand frère, fais pas souffrir ta mère, la rue c'est l'enfer. Tu fermes des fous, des forts, des faibles, des fous qui t'allument, bang bang et salut. J'ai perdu des têtes à tête, je suis revenu avec un marteau. Pour chiner, je me levais tôt sur mon stun, je rêvais d'un merco. Aujourd'hui je rêve d'un gros lambeau, appelle-les ceux qui veulent ma peau. C'est des voyous de bouscapé, on tire d'abord, on parle après. Gros cherche business, Punta Cana. On n'a plus le temps depuis qu'on est relaxé. Besoin en activité même quand on n'est pas là. Et même de là-bas, on est toujours connecté. C'est tout pour les euros. Oui, maman. Je connais la route, tout droit, rien comme Toto. Provenzano, on reprend tout. Non, grosse liasse, classe, business, Punta Cana. On n'a plus le temps depuis qu'on est relaxé. Faisons en activité même quand on n'est pas là. Et même de là-bas, on est toujours connecté. C'est tout pour les euros, pour les mamans. Je connais la route, tout droit, rien comme Toto. Provenzano, on reprend tout. La TZ Rin n'est jamais fini. Ça fait des années que sur la carte du rap j'ai mis Bobini. Pour soi un coup de tête comme Zidane, gros. Comme jamais.